avec Histoire Vivante. Histoire Vivante, en nouvelle diffusion, proposée par Jean Leclerc et Frédéric Piffer. Au nom de Dieu le miséricordieux. Cette semaine, journalistes, étudiants, diplomates et les autres. J'avais peur, il y avait une vraie bataille. Zoom sur un certain Orient. On voyait sans arrêt des garçons arriver en portant des blessés. Therefore, I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital. Tous les jours, il y a des menaces disant qu'ils vont venir prendre Manbij. Inch'Allah, si Dieu le veut, nous ferons en sorte que cette opération atteigne son but en prenant le contrôle de Tal Rifat d'ici peu. Deux invités pour conclure notre semaine consacrée au magazine en ligne Orient 21, que nous recommandons aussi bien à celles et ceux qui s'intéressent aux nombreuses problématiques de la région, mais également à celles et ceux qui souhaitent les découvrir, autrement dit, aux esprits curieux. Aujourd'hui, deux invités qui se présentent à vous. Je m'appelle Françoise Feugas, je travaille donc comme responsable éditorial dans le journal en ligne Orient 21 depuis 2013. Bien, je m'appelle Jean-Pierre Sérény, je suis journaliste. J'ai travaillé dans beaucoup de journaux depuis une quarantaine d'années. Et donc là, je suis journaliste à Orient 21. Auparavant, j'ai fait plus toutes sortes de métiers. J'étais une littéraire et puis j'ai été documentaliste, archiviste. Et puis j'ai énormément travaillé et milité dans le milieu associatif. Mais ce parcours... que je ne qualifierais pas en slalom, est-il lié aux circonstances, à un certain goût de l'éclectisme, Françoise Feugas ? Non, pas du tout, en fait. Il y a un fil rouge. Je me suis moi-même longtemps interrogée sur mes propres erreurs. Vos variations ? Mes propres variations, mais j'ai fini par comprendre qu'il y avait une logique générale. En fait, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, où je suis arrivée en 1960, donc à l'aube des indépendances, avec mes parents, bien entendu. Et j'ai grandi d'abord au Sénégal, puis en Côte d'Ivoire. J'étais à l'école publique. Et donc, j'ai appris à lire et à écrire au Sénégal. Ensuite, on a déménagé en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai terminé mes études secondaires. J'ai un baccalauréat que j'ai passé à Abidjan, j'ai fait une année d'études à l'université d'Abidjan. Puis je suis rentrée en France parce que je voulais poursuivre mes études et que ça tombait mal. Je ne pouvais pas les poursuivre là-bas, dans la mesure où les accords de coopération qui permettaient d'établir des équivalences de diplômes n'existaient plus, enfin avaient été dénoncés. Du fait de la décolonisation. Du fait de la décolonisation, voilà. Et donc je suis rentrée en France pour poursuivre mes études. Et je me suis inscrite dans un cursus de littérature à la Sorbonne, mais qui proposait en même temps la préparation d'un diplôme d'université sur les littératures francophones. En fait, moi, je voulais travailler sur les littératures négro-africaines. J'avais grandi là-dedans, j'en avais plein les oreilles. J'ai grandi avec Senghor, Aimé Césaire, Wolesso Yinka, et j'étais très... J'aimais beaucoup la littérature, donc... Je me suis inscrite dans ce cursus. De ce cursus, il y avait d'autres unités de valeur, comme on disait à l'époque, qui concernaient d'autres régions francophones du monde dans lesquelles je n'avais jamais mis les pieds, comme par exemple le Maghreb. J'ai découvert les littératures du Maghreb en langue française. J'ai découvert Kateb Yassine, j'ai découvert Driss Schreiby, j'ai découvert Boujdra, j'ai découvert tous les auteurs des années 50 au Maghreb qui... c'était tout un mouvement d'idées, d'esprit révolutionnaire parfois, comme chez Kateb Yassine, et qui exprimait des choses que moi je ressentais aussi, mais différemment, sur la déchirure identitaire, par exemple. Ensuite, j'ai débarqué en 1991 dans un centre de documentation tiers-monde qui appartenait à un réseau de centres de documentation. À l'époque, c'était encore l'époque du tiers-monde. C'était 1991. J'ai rencontré dans cet univers, on habitait, on était à plusieurs associations dans un même lieu. J'ai rencontré des gens qui sont devenus des très très grands amis et qui étaient des militants sur la Palestine. J'ai ensuite travaillé dans le journal de cette association qui s'intitulait Pour la Palestine. Et après de nombreuses années, et en étant dans ces réseaux-là, j'ai fini par rencontrer Alain Graisch. Alain Graisch, donc vous le rencontrez à quelle occasion, Françoise Feugas ? À l'occasion d'une période de chômage. J'avais été chargée de mission d'un gros projet de redistribution de fonds publics sur le Forum social européen pour un projet qui concernait la mise en commun d'outils de, justement, de capitalisation d'expérience et de transcription de ce qui pouvait se dire dans les forums sociaux, dans le Forum social européen en particulier. Où j'ai beaucoup travaillé aussi, hein, comme altermondialiste. Oui, vous cumulez. Vous. Oui, je suis cumularde. Et je me suis retrouvée au chômage, et comme ça avait été extrêmement intense, j'ai passé une période un petit peu de déprime, et j'avais une amie qui ne voulait pas me voir comme ça, et qui était une amie d'Alain Graisch aussi, et qui a demandé à Alain Graisch s'il pouvait au moins me prendre comme stagiaire au monde diplomatique pour me changer les idées. C'est comme ça que je suis rentrée au monde diplomatique. Qu'est-ce que vous retenez de ces premiers moments ? Ça a été formidable. Ça a été une expérience formidable, le monde diplomatique. Je suis entrée dans une équipe de gens extrêmement compétents, extrêmement gentils aussi. Ça, c'est pas négligeable. C'est pas du tout négligeable, c'est même exceptionnel. Françoise Feugas, transition après l'expérience monde diplomatique dont vous nous avez parlé, il va y avoir l'expérience Orient 21. Vous nous racontez cette cheville-là, comment elle se fait ? Très simplement, quand je suis partie du monde diplomatique, c'était parce que mon contrat était terminé, mais quand je suis partie, j'avais une grande reconnaissance pour, vis-à-vis d'Alain Graisch et de ce qu'il m'avait permis de vivre et la manière dont il m'avait permis de reprendre pied, avec beaucoup de bienveillance. Donc quand je suis partie, je lui ai dit... Si d'aventure tu as besoin de moi, je serai toujours là pour toi. Un an plus tard, il me rappelait en me disant « Ben voilà, je crée un journal. Est-ce que tu veux en être ?» Et j'ai dit oui. Voilà. Alors comment il vous le décrit, ce projet ? Qu'est-ce qu'il vous dit ? Il me dit « Voilà, les printemps arabes sont passés. » Beaucoup de choses ont été écrites qui ne nous semblent pas correspondre à ce qu'on a envie de lire ou à ce qu'on a envie de comprendre. Donc moi, je veux, avec d'autres, créer un journal qui donne d'autres visions, d'autres points de vue sur le monde arabe et musulman. Aujourd'hui, qui faites-vous ? Vous êtes toujours multitâche, ça continue ? En gros, j'ai la responsabilité éditoriale du site. On a dépassé les catégories traditionnelles du journalisme, les correcteurs, les iconos, le webmaster pour les journaux en ligne. Et en fait, on fait tous beaucoup de choses. Mais moi, j'ai un éventail particulièrement large de tâches puisque je m'occupe de l'iconographie, alors que ça, c'est quelque chose que j'ai appris sur le tas. Je savais absolument pas faire avant. Je fais ce qui correspondrait à du secrétariat de rédaction. Je fais aussi la relation aux auteurs, la correction typo classique, voilà, la traduction, qu'est-ce que je fais d'autre encore ? Alors vous-même, Françoise Feugas, vous écrivez quand on va sur le site d'Orient 21, et j'invite là tous les auditeurs à s'y rendre dans la mesure du possible. Vous avez un certain nombre de domaines de prédilection, dont un qui m'a intéressé, l'article était en haut de page, qui concerne le renouvellement, si on ose dire, la renaissance de la bande dessinée dans le monde arabe depuis 2011. Est-ce que vous pourriez nous donner un peu les éléments de vos sujets de prédilection quand vous choisissez de poser un article, et peut-être également d'inclure dans votre réponse, avez-vous une totale liberté de publication où vous-même êtes-vous soumise à des correcteurs ou des correctrices Non, vous dites non. Non. Ah non, vous êtes libre. Non, maître d'œuvre. Je suis libre de faire des propositions à mon directeur, qui en général les accepte. Voilà, et devant le comité de rédaction, bien sûr. Ensuite, bien évidemment que, oui, je m'auto-corrige, mais derrière moi, d'autres liront. Et alors, chaque article, de toute façon, est proposé à la publication dans toute l'équipe de rédaction. Les membres de la rédaction interviennent comme ils le veulent dans une liste interne où à la fois ils peuvent intervenir sur le fond, mais aussi sur la forme. Il n'est pas rare qu'on me dise qu'à tel endroit, il y a une coquille qui est restée. Ils sont tous très exigeants. Mes sujets de prédilection, c'est sans surprise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, je viens de la littérature. Donc, c'est la littérature est le domaine dans lequel je me sens le plus à l'aise. Parler des littératures arabes, de la bande dessinée, de toutes les formes de littérature, c'est quelque chose qui, de toute façon, me plaît. Je pense par ailleurs qu'il est très très important qu'on arrive à développer notre secteur culturel qui est encore assez beaucoup de politique, pas assez de culture. Voilà, beaucoup de géopolitique même. Et la culture a d'autant plus d'importance que d'abord elle est très foisonnante. Pas seulement la littérature, mais les arts plastiques aussi, par exemple, du monde arabe sont très importants. Les scènes musicales aussi. Il y a une intense activité artistique, a fortiori quand on est dans des pays où la liberté d'expression n'est peut-être pas au top de ce qu'on pourrait espérer. L'expression artistique et les formes de production artistique sont très innovantes et très dynamiques. Et Jean-Pierre Sérigny, comment se présente à vous le projet Orient 21? Vous y êtes dès l'origine? Oui, parce que je connais Alain Grèche depuis très très longtemps et qu'on avait déjà eu un projet il y a une dizaine d'années de faire un mensuel de presse écrite. Et puis, en étudiant la formule, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas les moyens. Donc le projet a disparu. Dans la corbeille à projet. Voilà. Et puis, il y a 5 ans maintenant, le projet est reparti sur Internet. Et là, donc, j'étais dans l'équipe de départ avec Alain, avec Françoise, avec Christian, etc. Qu'ajouter de plus à l'édifice Jean-Pierre Sérigny, sachant que des publications, de la littérature, les sujets même sont quand même assez souvent au devant de l'actualité, parfois même d'ailleurs systématiquement peut-être un peu trop, en quoi la lecture d'Orient 21 apporte une grille, sinon différente, en tout cas complémentaire? Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait cette ambition-là. Notre ambition, elle est très modeste. Elle est simplement de couvrir une région qui est importante pour nous, pour la France, pour l'Europe, et de donner des éclairages qui soient un peu différents de celui que donne Mainstream, c'est-à-dire la presse généraliste, qui a une vision un peu courte sur tous ces sujets. Donc, si vous voulez, ce qu'on voulait essentiellement, c'était envoyer le projecteur sur des réalités des pays qui sont peu ou mal connus, et d'autre part, faire participer des gens de ces régions pour avoir leur vision des choses et de l'état du monde. Alors, si on doit dépasser cette première généralité, en effet, par exemple, en faisant le focus sur un exemple concret, quelque chose qui donne à ceux qui nous écoutent, en tout cas, un aperçu, une entrevue de ce que peut contenir Orient 21. On va s'appuyer, par exemple, sur vos spécialités à vous, qui sont, entre autres, l'économie, mais il n'y a pas que ça, parce que quand on feuillette vos articles, ça touche l'histoire, ça touche la société, ça touche la recension d'un grand nombre d'ouvrages. Est-ce que l'économie, en quoi l'économie est un outil adapté pour lire ces situations complexes qu'offre le Moyen-Orient, souvent submergé par les problématiques essentiellement, disons, géopolitiques? Alors, si vous voulez, c'est vrai que l'économie n'est pas l'unique clé d'entrée dans cette région, mais c'est quand même très important parce que, si vous voulez, il y a eu une série d'échecs sur le plan économique qui a fait qu'une grande partie de la population est dans une situation sociale, disons presque désespérée, et donc ça explique beaucoup de choses. À la fois les révolutions du printemps arabe de 2011 ont une part importante de réaction sociale, de révolte, qui s'explique par un désespoir sur le plan économique. Et d'autre part, si vous voulez, il y a aussi le fait que l'argent, parce qu'il y a de l'argent, il y a eu beaucoup d'argent qui est arrivé, a été distribué de façon très inégalitaire. Et ça a rempli beaucoup d'aigreur, beaucoup de haine, de jalousie. Et donc, c'est deux aspects qui nous ont semblé intéressants à couvrir. On tombe évidemment, concernant le Moyen-Orient, dans une époque qui est probablement une époque de mutation, une époque charnière concernant l'économie, notamment pour les pays rattachés à la rente pétrolière. Certains de ces pays semblent mieux préparer l'avenir que d'autres. Est-ce qu'on arrive à faire un peu un portrait de la situation ? Si vous voulez, il y a effectivement des pays qui sortent mieux, au moins en apparence, c'est les pays du Golfe. Alors c'est sûr qu'ils ont à la fois une faible population par rapport à leur richesse, donc ça c'est un premier avantage. Deuxième avantage, ça c'est plus discutable, c'est qu'en gros la main-d'œuvre civile, je veux dire du secteur privé, est étrangère. Donc là aussi, ça résout un problème important dans le monde arabe qui est celui de la productivité du travail, qui est faible. Et en troisième lieu, si vous voulez, c'est une région qui a été un peu aidée, entre guillemets, par les Occidentaux qui ont vu quand même le trésor à sauvegarder en toutes circonstances. Alors les autres, ceux qui sont moins bien pourvus, parce qu'ils ont une population importante, comme par exemple l'Iran ou l'Algérie, eh bien évidemment, ils ont des difficultés beaucoup plus grandes, à la fois parce qu'ils ont des régimes économiques qui sont des régimes fossilisés sur les années 70, avec peu ou pas de souplesse de fonctionnement, et d'autre part parce qu'ils ont été, dans l'ensemble, disons plutôt bypassés, plutôt marginalisés par les grands investisseurs que sont les majors, les grandes compagnies pétrolières. Et Jean-Pierre Sérigny, sans lire dans le marc de café, est-ce que vous voyez déjà des pays mieux s'en sortir, privés de leur rente pétrolière ? Et si oui, lesquels vous viendraient à l'esprit ? Je vous vois avoir une moue des plus dubitatives, on est mal parti. Enfin, surtout... Effectivement, la prédiction est un art très difficile, mais là... Surtout quand ça concerne l'avenir, hein, je crois. Absolument. Voilà. Et là, vraiment, très difficile à dire. C'est sûr qu'un pays comme le Koweït, par exemple, a priori un certain nombre d'avantages, une certaine maturité politique, même s'il y a beaucoup de difficultés. Donc c'est un de ceux qui devrait faire une transition plutôt réussie. L'Arabie Saoudite est évidemment une question majeure. Il y a en ce moment un projet de réforme considérable du prince héritier. Est-ce que ça sera mené à bien ? Est-ce que ça réussira ? C'est des questions qu'il est très difficile de répondre aujourd'hui. Il y a plusieurs pays auxquels vous vous intéressez sur les questions économiques. J'en retiens deux notamment, mais il y en a évidemment bien d'autres. L'Égypte et la Tunisie, l'Algérie également d'ailleurs. Concernant l'Égypte, on a l'impression d'être enlisé dans une économie en stagnation. Alors, est-ce que c'était vrai il y a quelques courtes années en arrière et que ça a changé depuis ? Alors, si vous voulez, l'économie égyptienne a été sinistrée à plusieurs reprises, et en particulier la révolution de 2011 et le passage au pouvoir des frères musulmans a été plutôt négatif pour l'économie égyptienne. Ensuite, les militaires ont pris le pouvoir. Pendant une période, ils ont cru pouvoir éviter toute mesure un peu sérieuse avec l'argent des pays du Golfe, qui les ont financés pendant 18 mois et qui ont arrêté les frais en disant « il n'y a pas de perspective, on ne peut pas continuer comme ça ». Et donc là, ils ont été obligés de se retourner vers le FMI qui leur a infligé un programme ultra rigoriste qu'ils sont en train d'appliquer. Alors ça pose des problèmes sociaux considérables pour les catégories pauvres de la population, c'est-à-dire une majorité la population, des conditions qui sont de plus en plus dures. Et quand on parle de majorité avec 90 millions d'habitants, ça fait quand même beaucoup de monde. Effectivement. Et donc, il y a des subventions qui disparaissent, il y a des prix qui augmentent, il y a des impôts qui sont plus élevés, en particulier la TVA. Donc tout ça, pour le moment, en Égypte, c'est plutôt une situation de crise sociale qui s'aggrave. En même temps, il faut reconnaître que le programme FMI commence à donner des résultats, qu'il y a quand même une reprise de l'économie, il y a une reprise des investissements étrangers, en particulier dans les hydrocarbures. Et donc, il est un peu tôt pour porter un jugement, mais si les militaires ont la possibilité de continuer le régime encore, disons, 18 mois, 2 ans, on peut avoir un rebond de l'économie égyptienne. Concernant le Maghreb, qu'en est-il ? Est-ce que le Maghreb est aussi en situation de quasi-stagnation, voire de recul ? Alors, le Maghreb, paradoxalement, est dans une situation très, très délicate, à la fois parce qu'il n'y a pas, contrairement à ce qui s'est passé en Égypte, un plan pour sortir de la crise. Et donc, si vous voulez, en Algérie, c'est la stagnation. Et en Tunisie, il y a une classe politique qui se livre au jeu du pouvoir, des élections, et qui se fout complètement des questions de long terme, des questions économiques et sociales, et qui vit à crédit en faisant la manche auprès des institutions internationales et des pays européens. Jean-Pierre Sérigny, pardon pour la naïveté de la question, mais si vous dites qu'aucun des pays du Maghreb n'a eu de plan avec le Fonds monétaire international, comment se passe la décision de l'intervention du Fonds monétaire international ? C'est le pays qui appelle à l'aide et passe un coup de fil ou... Oui, c'est le pays, quand il ne peut plus trouver de source de financement extérieure qui soit sur le marché, c'est-à-dire que les banques, le marché financier lui soit fermé, à ce moment-là, pour faire ses échéances, il a besoin de devises, il ne peut pas les imprimer, donc il fait appel au FMI qui, en contrepartie, impose un certain nombre de conditions qui sont toujours les mêmes, qui sont relever les impôts indirects, qui sont réduire les subventions et qui sont privatiser un certain nombre de secteurs de l'économie nationale. Si l'on a Maroc, Tunisie, Algérie qui n'ont de loin pas du tout le même type d'économie, mais qui sont quand même probablement l'un comme l'autre en situation délicate, comment expliquez-vous le fait qu'aucun n'ait choisi de décrocher le téléphone pour appeler le FMI ? Alors, ce n'est pas tout à fait vrai, parce que la Tunisie a un programme avec le FMI, mais qui est un programme, disons, un peu souple, c'est-à-dire que pour des raisons politiques, le FMI ferme les yeux sur le fait que les conditions qu'il a mises à ses prêts ne sont pas respectées. Donc, si vous voulez, la Tunisie est un peu un cas particulier. En même temps, c'est un petit pays, c'est des sommes relativement modestes. Donc, ça continue comme ça. Pour combien de temps, personne ne sait. Par contre, sur le Maroc, il y a un plan avec le FMI qui est un plan de financement. C'est-à-dire que le FMI a prêté de l'argent, ouvert une ligne de crédit sur le Maroc. Et si le Maroc a des besoins, il peut tirer dessus. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas tiré sur cette ligne de crédit. Quant à l'Algérie, elle a ses recettes pétrolières. Et jusqu'à présent, elle n'a pas eu recours au FMI récemment. Jean-Pierre Sérigny, pour essayer d'avoir des points peut-être positifs, y a-t-il des pays qui s'en sortent mieux économiquement dans tout ce qui est... Proche-Orient, Moyen-Orient, Maghreb, y a-t-il quand même deux... Je vous vois faire une moue par avance tout à fait désespérante. Donc, les bonnes nouvelles ? Si vous voulez, il n'y a pas de bonnes nouvelles parce que vous avez eu trois crises successives en moins de 10 ans sur le monde arabe. Vous avez eu d'abord la récession mondiale de 2008-2009 qui s'est traduite par une baisse des investissements, une baisse des exportations, une baisse des touristes, une baisse de l'investissement, donc encore une fois. Donc tout ça a eu pour effet d'affaiblir l'économie du monde arabe. Il y a eu ensuite une deuxième crise qui a été la révolution, qui a eu un impact sur l'économie évident, en particulier sur la confiance des investisseurs. Et puis il y a eu une troisième crise en 2014 qui a été la crise pétrolière. Donc si vous voulez, la région sinistrée par trois crises en 10 ans, c'est un peu difficile d'être optimiste sur la suite. Alors, il y a des signes que le marché pétrolier va un peu mieux, donc ça, c'est un point positif. Pour le reste, on est dubitatif. On aurait tort de penser ou d'imaginer, à l'écoute de ces paroles, que Orient 21 ne s'occupe que de présentisme. Orient 21 s'intéresse beaucoup à l'histoire, lui ouvre des pages importantes. Et vous, Jean-Pierre Seriani, vous faites notamment la recension de bouquins qu'on ne peut pas lire si on ne lit pas l'anglais, ou qu'on ne peut pas lire si on ne lit pas l'arabe, mais ça, je ne sais pas là où vous en êtes de ce point de vue-là. Non, je ne suis pas arabophone. Vous n'êtes pas arabophone, mais ces ouvrages qui viennent d'universitaires des pays arabes, quand bien même ils sont écrits en anglais, nous donnent quel type d'éclairage? Je pense notamment à un dont nous parlions juste avant d'ouvrir ce micro, qui touche une partie de l'histoire des services secrets égyptiens. Peut-être on peut en faire un résumé en quelques mots. Oui, alors c'est un livre qui explique comment les militaires égyptiens qui ont pris le pouvoir en 52 ont mis en place un système policier assez sophistiqué avec plusieurs polices, une police normale, enfin normale entre guillemets, disons civile, et puis des polices militaires qui sont très puissantes, qui sont parfois en rivalité et qui sont un instrument du pouvoir et en même temps qui ont une certaine autonomie, mais sinon même une indépendance vis-à-vis du pouvoir. Par exemple, le maréchal Sissi, qui est actuellement le président de l'Égypte, était l'ancien directeur du renseignement militaire égyptien. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est que à la fois les services sont militaires, mais c'est pas le reflet de l'armée. Ils peuvent avoir une attitude indépendante par rapport à l'armée. En même temps, ils sont au service de la présidence, mais ils peuvent avoir une autonomie vis-à-vis de la présidence. On a vu comment ils ont participé au débarquement de Moubarak en 2011. Et donc, c'est un point de pouvoir qui est tout à fait intéressant à suivre, pour autant qu'on puisse le faire. Avec des chapitres qui sont notamment basés un peu sur la revanche, des moments où les services se font un peu piétiner, voilà. Et puis profitent de l'occasion pour revenir à la charge. Voilà, si vous voulez, c'est des gens qui ont une mémoire longue, c'est des institutions qui n'oublient rien. On leurs archive. Voilà, et qui, par exemple, en Égypte, quand il y a eu l'ouverture de l'économie, les privatisations, ils ont eu le sentiment de passer au second plan, et ils ont été très très remontés contre cette politique, contre le fils du président qui symbolisait à tort ou à raison cette politique, et ils ont freiné de cas de fer cette politique. يا الفرحة مقران ميديو غال سخام روحنا كويغ بلان تبدل الدنيا تفلي يا رقازي مبابا مسود مي صحان يا رمد نارد نبان مي ميقران غاد يلي ففل ديه نوا ثوغ ديان مكان ميت السبف الوفان طال صدق وذمي سثولي أمي ما بحال أحيد بارغمان يا نراجول بردان بابك ما دي بذو تشلي سدي طيش يروان غدا فليسان غاس ضزرو يحفان حمل وكي ذراري نو سداوي قنوان يكشم غري ثران نتسر بوفوسان يدي الحيف وردي سنو الفو هيا كالي مغبان وري اللي وين يروان عيك الخاغص ما نمزو نبوي دعو السو أني في غيتشان أهيا تصارى بركان إين تسارس ورفان من غير ذيك سدوى حلو Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. avec aujourd'hui la participation d'Isabelle Barthes, Corinne Rochat, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoutez podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.